toi dans une société qui n'y désire fermé, qui n'y oreilles bouchées, des sacs à arranger, qu'on met à bouffer sans blanc, attention à l'amour, qu'à monter l'esprit en nous, ou paieront nous meilleurs. Yeah.